vendredi 11 octobre 2013. Vous écoutez La vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Comme à l'habitude, évidemment un plaisir également de vous retrouver ici sur les ondes du 89.1 pour parler 9e art, pour parler bande dessinée. Et comme à l'habitude, une édition bien remplie, bien chargée, comme on aime. Alors, notamment, on portera un regard sur deux BD, sur deux albums. Le Crépuscule des Dieux, 7e tome, Le Grand Hiver. Alors, deuxième partie, si l'on peut dire, deuxième grand chapitre, deuxième section de la série de JF et de Thomas Jarry. Alors, quel regard on porte sur ce nouveau début, si on peut dire, sur ce nouveau départ, sur cette continuité, évidemment, aussi. On en discutera avec JF en deuxième partie d'émission. Dans quelques instants, on portera également un regard sur Poulet Gringrin, publication qui est arrivée du côté de La Mauvaise Tête. Deuxième publication d'ailleurs de François Sanson Dunlop et Alexandre Rousseau. Alors, une espèce de récit à la mi-chemin entre Achille Talon et Le Retour à la Terre, c'est comme ça que j'aime bien le décrire, dans la lignée de ce que les auteurs nous avaient offert avec Pinkerton il y a de ça déjà 2 ans. Un album très sympathique dont on a bien hâte de vous parler d'ailleurs ici à l'émission. Sinon, côté collaborateur, il y aura en fin d'émission Michel Giguère qui sera avec nous. Michel Giguère, des rendez-vous de la bande dessinée qui sont présentés mercredi prochain d'ailleurs à la bibliothèque Gabriel Auroi. Et il nous parlera des lectrices, des auteurs et des héroïnes dans l'univers de la bande dessinée. Il y a de plus en plus de lectrices, de plus en plus d'auteurs et donc il y a de plus en plus également d'héroïnes. Un regard donc qu'on portera sur tout ça. Et également Stéphane Gravel sera avec nous tout à l'heure pour nous partager ses commentaires BD. Alors, c'est le menu pour aujourd'hui. Sinon, dans l'actualité, BD, qu'est-ce qui est à surveiller? Notamment, vous avez peut-être vu ça passer, l'adaptation au cinéma de la BD Jeunesse Loup devrait sortir dans les salles le 15 octobre 2014. C'est selon le magazine Allo Ciné, vendu à près de 2 millions d'exemplaires dans une vingtaine de pays. La bande dessinée a déjà été adaptée en dessin animé pour la télévision, mais pour le cinéma, elle deviendra un film en prise de vue réelle. Également, on a mentionné dans l'actualité BD à 74 ans, la retraite, disons-le comme ça, du scénariste, Raoul Covin, né en 1938 en Belgique. Il est entré chez Dupuis en 1960. Il a réalisé, notamment en tant que scénariste, Les Tuniques Bleues, Samy, Pauvre Lampile, L'Agent 212, Pierre Tombal, Cédric, etc., etc. Enfin, on parle en 2006 là, que Covin aurait atteint et dépassé les 45 millions d'albums de bande dessinée vendus. Alors évidemment, c'est une sacrée pointure qui a pris sa retraite. Et enfin, en terminant, la plateforme de bande dessinée Isneo affiche 55 millions de planches BD lues, plus de 6,5 millions de BD découvertes, c'est-à-dire dont on a feuilleté les 5 premières planches. 1,2 million de visiteurs uniques également sur son site, un bilan quand même assez positif, un peu plus de 3 ans après le lancement de la plateforme, donc ça se passait en mai 2010. On ignore par contre le nombre d'abonnés et le nombre d'albums achetés. Ça reste à voir également tout ça dans la grande réflexion que le milieu BD porte sur son avenir numérique. Dans quelle mesure sera-t-on capable de développer des modèles économiques viables pour la BD sur support numérique? On se pose toujours la question. Bye. écoutez, voilà, vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. Notre sélection musicale pour cette semaine, toujours dans le 8-bit, c'est la formation Cat Attack avec l'album Wasp Nest. Premier extrait qu'on vient d'entendre, c'est la pièce Concrete Walls. J'en profite également pour vous rappeler que vous pouvez suivre La Vie en BD via le site de socialisation Facebook, facebook.com/ La Vie en BD. Et tel qu'annoncé, on porte maintenant un regard sur un album qui est apparu tout récemment chez nos libraires. Il s'agit de Poulet Gringrin, deuxième titre d'Alexandre Fontaine-Rousseau et de François Sanson-Dunlop après Pinkerton. On a le plaisir de les avoir avec nous au bout du fil. Alexandre, François, bonjour à vous deux. Salut. Bonjour. Alors, peut-être d'emblée, je pense qu'il faut, ça vaudrait la peine de présenter un peu l'album, présenter un peu l'esprit de l'album. Ce que j'ai lancé en introduction d'émission, c'était un peu un mélange entre Achille Talon et Le Retour à la Terre. Est-ce que c'est une description qui vous convient? Moi, il y a des gens qui ont commencé à comparer le livre au Retour à la Terre. J'ai comme à admettre que j'ai jamais lu le livre de Emmanuel Arsenet. Fait que je peux pas, c'est pas nécessairement une comparaison à laquelle je peux... souscrire. Oui, mais j'ai tendance à croire que ça sonne comme quelque chose qui pourrait potentiellement être logique, là, juste en juger par le titre. Mais moi, je dirais que sans dire ça ressemble plus au Retour à la Terre, ça serait plus inspiré de la série parallèle qui a été faite. Mm-hmm. Je dirais... C'est quoi encore le nom? Je sais pas, François, sérieux. Celle avec les correspondances avec Ferry. Mm-hmm. Je sais pas. Mais c'est pas vraiment, dans la mesure où, je veux dire... En fait, ce livre-là est parti d'une conversation que j'avais avec François, et non d'une inspiration BDS quelconque. On marchait dans les rues une soirée quelconque, parmi tant d'autres. Puis François a comme décidé, parce que c'est un homme de projet qui crée des projets, que ça pourrait être un projet tout à fait légitime d'avoir une ferme de poulets. Mm-hmm. Mettons, je lui ai dit qu'il t'offrait jamais 5 minutes. Puis je lui ai dit qu'à défaut d'avoir une ferme de poulets, on pourrait peut-être en faire un livre. Puis ce serait comme... Oui, en fait, d'essayer de prendre en fait vos intellectuels qu'on avait vus en fait dans Pinkerton, par exemple, qui ont disséqué l'album culte de Weezer une chanson à la fois, et maintenant de se dire, ben ok, si on les amenait à la campagne, comment ça se passerait, qu'est-ce qui pourrait arriver, etc., etc. Donc, ça nous donne un point de départ sur lequel, après ça, on peut développer vers l'absurde, vers le réflectif, vers l'humoristique. Oui, ben je pense que... Mais à la base, je veux dire, ce livre-là, c'est quand même une série d'érapes verbales. Là. Mmh. Je veux dire, mais il n'y avait pas tant de liens que ça avec... C'est pas un livre que j'ai comme entrevu en l'écrivant, comme nécessairement une suite à Pinkerton. C'est sûr que c'est les mêmes personnages, donc inévitablement, cette comparaison-là va arriver. Là. Mais pour moi, c'était pas les mêmes personnages d'intellectuels qui, cette fois-ci, faisaient... J'ai l'impression que d'un livre à l'autre, c'est tout le temps les histoires de bonnes intentions qui tournent mal. Mm-hmm. On va faire ça, mais c'est sûr que c'est somme toute un mauvais plan. En fait, je l'ai un peu reçu par moment, un peu comme une volonté d'écorcher, d'énoncer ce qu'on pourrait donner l'impression ou d'écrire comme une espèce de militantisme marketing, le militantisme qui est issu des modes, des tendances, d'argumentaires peut-être un peu Wikipédia ou plus en surface, si on peut dire, que des véritables idées. Ben, on peut dire ça. On pourrait aussi dire que c'est un manuel qui répond à ce qu'on voit, à ce qu'on a vu au Québec après la grève. Mais c'est ça, en fait, c'est que le livre a été commencé, j'ai commencé à l'écrire avant la grève, mm-hmm. Puis j'ai eu comme à un moment donné, j'ai comme arrêté d'écrire, j'avais comme plus d'inspiration, puis la grève a comme un petit peu, on était comme après la grève un peu, là c'était la fin du mouvement, puis c'était comme déprimant de voir, tu sais, à quel point rapidement un élan social peut s'effondrer, puis tout ce qui pouvait avoir l'air d'un projet de société devient une sorte de fin de cycle, là. Puis là, mm-hmm. Ça y est, tout le monde retourne chez eux, puis c'était bien le fun, on se reprend la prochaine fois, puis ouais. C'est comme toujours une sorte de point fixe un peu déprimant, là, je veux dire. Comme si on n'arrivait pas à dépasser l'engagement, dans le fond, dans la cause, mais on n'arrivait pas à porter la cause au-delà, justement, de la revendication. Ben, puis oui, d'une certaine manière, c'est le problème, je pense que c'est, il y a toujours un effet de, les gens sont là pour le, il y a une partie de la masse manifestante qui est là parce que c'est à un certain moment, c'est inconvénient. Attends. C'est pas ça qu'on essaie de dire. Mais le livre n'est pas exactement sur ça non plus. Je veux dire, il y a un peu de ça, mais je veux dire, c'est aussi sur plein d'autres choses. Là. C'est aussi sur juste des personnages qui arrivent puis qui sont pas capables de réaliser leur projet, là, point à la ligne, là, je veux dire, en général, là, puis d'une manière... Un peu comme le gouvernement actuel. Oui, en fait, d'une certaine façon, c'est un livre à plusieurs niveaux de lecture, en fait, dans la mesure où on peut se contenter ou apprécier l'histoire absurde, des argumentaires un peu, disons, qui justement, comme vous disiez, vont un peu partout, sont développés à outrance. On peut essayer de profiter de la réflexion qui est derrière ça, donc on peut discuter de cette réflexion-là, donc il y a quand même, plusieurs manières d'envisager, d'aborder Poulet Gringrin, là. Ben c'est ce que j'espérais personnellement. Oui. Moi, d'une certaine manière, c'était aussi, il y avait comme un plaisir de défi, c'était de briser, pas exactement, tu sais, on n'avait pas des habitudes, là, on avait quand même juste fait un livre, mais je pense que Yves François et moi, après Pinkerton, on avait un peu l'impression les gens nous en parlaient toujours un peu des deux ou trois mêmes manières, ils parlaient de la langue pop culturelle, le côté comédie romantique, puis il y avait pas juste ça dans ce qu'on voulait. T'sais, on voulait pas juste toujours faire des histoires de pop culture puis des trucs sentimentaux. Puis là, c'était une manière, l'idéalisme, ça me semblait un sujet. On voulait pas devenir les Nada Surf, dans le fond. Les Nada Surf. De la bande dessinée québécoise. Et une BD comme ça, d'emblée, côté écriture, j'imagine qu'on commence d'abord par le texte, par le dialogue, par ça me semble être un peu de l'essence de l'album, ou est-ce qu'il y a plus une mise en scène visuelle d'abord à laquelle on pense? Donc, comment on procède un peu pour monter ce projet-là, pour préparer cet album-là? Ben, j'écris le scénario en fonction du dessin de... Je pense qu'on est arrivé à un point télépathique, là, où je veux dire... J'écris, puis je m'attends à ce que François fasse certains trucs, puis généralement, il les fait, mais en bout de ligne, il vient aussi me surprendre. Mais c'est sûr que ça commence avec le scénario, puis après ça, François part, tu sais, j'y donne des dialogues, puis François part avec, puis de temps en temps, il va ajouter une blague en ajoutant comme un point de décalage dans le dessin qui vient complètement me désarçonner en tant que scénariste, puis c'est tant mieux, là. Et est-ce qu'on écrit ça avec une certaine spontanéité? Je veux dire, ce type d'argumentaire-là, on pousse un peu, on s'amuse, on se met en mode délire, on se met... Ça dépend. C'est pas quelque chose qu'on écrit... On se lève pas le matin en punch-in, là. Il y a des passes où t'es capable de dialoguer avec toi-même, là. C'est un peu schizophrène comme procédé d'écriture, là. C'est s'ostiner avec soi-même, là. Oui, parce qu'après ça amène des moments quand même assez savoureux au fil de l'album, puis des fois des démonstrations quand même assez étayées avec tableaux, hypothèses, pseudo-scientifiques, notamment, en fait, je pense aux poules et leurs échanges extra-organisationnels avec les canards ou des choses comme ça. Ok, c'est une idée de François. Ça, c'est dans le scénario, ça, c'est quand je disais que François, des fois, me surprenait, puis je peux le laisser, mais je veux dire, quand dans le scénario, l'idée, c'était que François aurait dessiné, moi, ce que j'avais écrit, c'est François, le personnage de François. Mais ça, c'est un secret de Polichinelle, puis les personnages n'ont pas de nom officiellement. Mais le personnage qui ressemble un petit peu vaguement à François, et dont certains traits de caractère pourraient être hérités de François, dessinait juste des poules pendant 6 pages. Mais François, au lieu de faire des dessins de poules, m'est arrivé avec ça. sur un coup, j'étais comme pas sûr. Puis après ça, en le relisant, je me suis dit, ah, c'est comme la cerise sur le sundae de cette séquence-là, là, je veux dire, c'est... En fait, c'est le genre d'exemple qui était bien, en fait, dans mesure où j'ai l'impression que, d'une certaine façon, Poulet Gringrin, c'est réussi à surfer sur la ligne mince entre le poids des bulles qui pèsent sur la case et justement le dessin qui réussit à bien les soutenir, dans mesure où les bulles et les mots et le texte est quand même imposant, mais ça reste une BD, ça reste, disons, ça tombe pas sur le poids de ces bulles, justement. Ouais, en effet. Mais moi, je trouve que le dessin de François a vraiment gagné en swing là, avec ce livre-là. Je veux dire, il dessine des affaires que je suis certain qu'avant ça, il n'y aurait pas... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est sûr que vu que la BD est vraiment axée sur le texte, puis que c'est juste un peu comme l'autre livre, c'est en 90% des dialogues en deux personnages, surtout si c'est un huis clos, c'est quand même des fois difficile de trouver comment on va mettre ça en scène. Donc, c'est vraiment un défi intéressant. Mais je trouve que ça fait que ça, c'est vraiment un exercice qui, je pense que c'est le meilleur exercice pour trouver quoi faire pour se construire en tant que metteur en scène, sans vouloir utiliser ce mot-là de façon exagérée. C'est surtout que ce qu'on met en scène, c'est des dialogues pseudo-philosophiques, pseudo-argumentatifs, pseudo-scientifiques. C'est quand même des dialogues à contenu absurde, mais à contenu quand même. Là. Oui, mais à un moment donné, c'est ça qui fait qu'il y a tellement de... Il s'agit que François accroche sur un mot dans un dialogue, puis il s'en sert comme accroche visuelle, comme contrepoint à cette espèce de long texte-là, puis en bout de ligne. Je veux dire, je pense qu'il y a énormément de plaisir à relire Poulet. Moi, quand j'ai relu Poulet, une fois qu'il a été terminé, puis que j'ai commencé à regarder juste toutes les choses que le François faisait faire aux poules, il tient toujours les poules. Tu sais, il y a tout le temps des moments où, mettons, il va parler d'une poule, puis là, il sort une poule de nulle part, puis là, il se met à jeter des poules dans tous les sens. C'est quand même vaguement divertissant, puis c'est une absurdité qui est quasiment... Ouais. Puis je dirais que peut-être que mon sens de l'observation, c'est parce que j'ai dans les deux dernières années, surtout dans la dernière année, j'ai beaucoup écouté les séances à l'Assemblée nationale. Puis c'est vraiment juste des idiots qui se crient après, puis qui bougent leurs mains. Donc ça vraiment, moi je me crée des histoires à partir de ça. Puis j'écoutais ça comme un téléroman. Donc je pense que ça m'a aidé. C'est ça, François dessine en regardant les en ayant en arrière-plan les diffusions de la chambre. Fait que... Un autre genre de poulailler, entre ouais, guillemets. Oui, c'est ça, un gros poulailler. Et à quel moment l'idée de huis clos, justement, aussi est venue ou s'est imposée, le fait de choisir de ne pas justement trop les mettre en contact avec d'autres fermes, avec d'autres éléments autour de leur univers à eux, mais de les garder justement en mode dialogue tout au fil de Poulet Gringrin? Ah ben, je pense que l'idée, c'était d'accentuer, tu sais, ils deviennent complètement fous en assez peu de temps, là. Puis, je veux dire, le huis clos, pour ça, c'est comme la forme par excellence pour les récits de folie. Là, je veux dire, il n'y avait pas besoin d'avoir d'intervention extérieure. En fait, le seul moment où il y a une intervention extérieure, c'est vers la fin, puis c'est comme une rupture complète dans le fil narratif du livre. Puis, personnellement, je pense que, d'une certaine manière, cette rupture-là, elle a une fonction, je veux dire, elle vient... faire respirer un instant puis ajouter une dimension absurde de plus, mais puis en tout cas, mais oui, un huis clos, c'était naturel, ça, c'est sûr. Oui, puis ça vient porter aussi justement bien l'univers, l'ambiance absurde, la cohérence dans l'humour jaune, noir et absurde et autres qu'on découvre au fil des pages. Est-ce qu'on veut d'ailleurs, en terminant, Alexandre Fontaine-Rousseau, François Sanson-Dunlop, est-ce qu'on veut qu'on reçoive Poulet Gringrin d'abord comme un album humoristique, absurde, ou d'abord comme un récit un peu réflectif derrière justement cette absurdité-là? Moi, je le vois d'abord comme une... comédie, mais en même temps, je pense que le propre d'une comédie qui a sa raison d'être, c'est d'être l'expression de... Je veux dire, c'est pas... Je veux pas que les gens cherchent un discours. Il a pas été écrit comme un discours, mais il y a une somme de préoccupations qui s'affrontent entre elles à l'intérieur d'un livre. Je veux dire, je pense pas qu'on a le contrôle sur ce qu'on écrit. À un moment donné, on a une petite idée de l'histoire qu'on veut raconter avec ça, mais on garoche un peu tout ce qu'on a, là, puis... Alors, on invite les gens à découvrir ce que vous y avez placé. Je le rappelle, c'est à La Mauvaise Tête, ça s'appelle Poulet Gringrin. Alexandre Fontaine-Rousseau, François Sanson-Dunlop, merci à vous deux. Merci à vous. Au plaisir. Alors voilà, toujours à La Vie en BD. On repart en petit extrait musical, toujours avec Cat Attack. We'll be right back. Et maintenant, toujours à la vie en BD, on a le plaisir d'accueillir parmi nous notre collaborateur Stéphane Gravel. Bonjour. Hello, hello. Ça va bien? Très bien. Et Stéphane, quelques albums cette semaine. J'imagine que tu es un peu comme moi, tu as une pile de lecture sur ta table de chevet et tu creuses tranquillement au fil d'album en album dans cet abîme. Je me trouve en retard. Toi aussi? Oui. L'été fut trop beau. Effectivement. Oui, je veux dire, abîme d'album, oui, absolument. Et abîme trilogie aussi. C'est ça, mais je sais même pas comment l'attacher, tellement ton lien est trop fort, là, ça me déstabilise. Je sais pas si tu as lu, toi, cette série-là. Pas encore. Qui est une série qui est parue chez Dupuis Air Libre. C'est trois tomes qui sont parus à peu près en même temps avec la même scénariste qui est Mangin et plusieurs dessinateurs qui est Bajram, Malnati et Griffo. Et puis c'est une histoire en trois tomes d'une mise en abîme vraiment fascinante et vraiment intéressante au niveau de la bande dessinée. Ce que je déplore un peu, c'est les trois dessinateurs différents parce qu'on entre dans trois styles qui sont complètement différents et certains sont à mon avis un peu moins fort que d'autres. Mais étant donné qu'on est dans trois périodes distinctes aussi, trois périodes très différentes, ben on peut quand même accepter cette différence de dessin-là. Oui, ça vient casser peut-être un peu le style ou la continuité, mais en même temps, ça sert le récit, donc... Ben, c'est que le premier volume qui est dessiné par Griffo est tellement fort au niveau graphique que quand on tombe dans le deuxième qui est dessiné par Bajram, qui est pas du tout Malnati, qui est pas du tout un mauvais dessinateur, mais qui reste que c'est tellement différent comme atmosphère que on n'a pas l'impression qu'on est dans cette suite-là. Peut-être que c'est volontaire, mais bon, je me rends compte de plus en plus que le dessin, je pense que j'ai le feeling depuis longtemps, mais le dessin est aussi une forme d'écriture en bande dessinée. Mm-hmm. Puis là, on a l'impression qu'on change complètement de style quand on passe d'un volume à l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ces histoires-là sont liées, parce que on joue beaucoup avec l'abîme. On joue avec l'abîme au sens exercice de style en bande dessinée. Cette série-là est vraiment une mise en abîme de la création, de l'auteur qui a sa place, et une mise en abîme aussi des auteurs, parce que l'histoire va commencer avec Balzac qui est le personnage principal du premier. Mm-hmm. Ensuite, le personnage principal du deuxième sera le cinéaste Clouseau, et le personnage principal du troisième sera Mangin elle-même, qui se retrouve à être elle-même en abîme dans sa propre histoire. Mm. Et c'est là que je trouve que c'est tout à fait que c'est extrêmement intéressant, parce que les histoires s'emboîtent et le temps s'emboîte un dans l'autre, et ça devient, ça amène un caractère fantastique qui est un caractère d'exercice de style qui est extrêmement intéressant, mais qui est pas qui est pas comme Julius Corentin d'Artefact qu'on a vu il y a deux semaines, là, qui lui vraiment va faire de l'exercice de style. Si c'est plus léger un peu. Sa trame de base, mais aussi quasiment ces BD deviennent quasiment des essais sur la bande dessinée. Là, c'est que l'abîme devient plus le thème de l'histoire, et l'auteur va jouer avec ce thème-là et va bien jouer aussi, là. D'ailleurs, la page couverture du troisième volume le voit très bien. On le voit très bien parce que l'auteur se représente avec ayant entre les mains la première BD de la série. Donc là, on comprend vraiment qu'il y a une mise en abîme assez intéressante, là. Alors ça, c'est pour Abîme. On le recommande en deux mots? Ah oui, absolument. Absolument. Absolument. Je pense que même si j'ai un petit bémol à cause du changement de dessinateur en cours de route, c'est que j'ai trop aimé le dessin de Griffo. Au début, j'aurais aimé continuer avec. Mmh. Mais bon, on n'aurait pas eu les 3 tomes de façon si rapide en librairie, c'est sûr. Puis on aurait peut-être moins marqué les époques aussi. Mais au niveau de la scénarisation, au niveau de l'histoire, c'est très, très, très bien construit et c'est très intelligent. Il nous reste à peu près 2-3 minutes pour un deuxième titre, Stéphane. Je te laisse te lancer. Last Man. Avez-vous lu Last Man? Non. C'est vraiment, vraiment, vraiment à la fois un peu con, mais aussi chouette, à la fois insipide, mais intelligent. C'est la BD de Balak, Sanneville et Vivès. J'adore, moi, Vivès. J'adore son dessin. Mm. Et là, ces trois auteurs-là ont décidé qu'ils s'amusaient à faire un manga, et là ils partent dans une grande série qui est celle de Last Man. Ils s'en vont avec cette série-là. C'est ça que je pense qui est aussi intéressant. Et ça respecte un peu l'esprit du travail de Vivès, Stéphane, en mesure où on dirait qu'à chaque album, il s'amuse à réinventer un peu son style, à explorer. Il le fait dans les années 70, il le fait un peu dans l'érotisme, un peu dans la BD ado, dans la BD plus stylisée, et là, dans le manga aussi. Donc... Et là, il va dans le manga. Il va dans le manga, et c'est une histoire de... D'autant plus que c'est une histoire de concours, de combat d'arts martiaux. Donc là, vraiment, on est dans quasiment dans le manga au cube. Là. On est dans un monde qui est pas très définissable, mais c'est pas grave. Mais c'est l'histoire d'un jeune homme qui rencontre un homme qui lui est physiquement très puissant. Et à deux, ils vont faire équipe pour essayer de se remplir les poches et de devenir les champions combattants. Il y a 2 tomes déjà de parus et c'est extrêmement intéressant et très le fun à lire parce que ça bouge et Vivès et ses collègues là qui passent un peu derrière lui malheureusement ont travaillé beaucoup beaucoup beaucoup le rythme, travaillent beaucoup l'action et veulent travailler aussi beaucoup le rythme d'écriture. C'est-à-dire qu'ils veulent pas qu'on attende un an pour avoir un deuxième volume. Là, ils vont vite, ils vont un peu à la vitesse manga. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi c'est tout le côté parallèle qui a ça, parce que si on va sur le site de Bastien Vivès ou si on va sur Last Man, ben on peut voir les auteurs en train d'expliquer qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur projet. On les voit en train de dessiner. On peut assister à le module de création, si on veut. À un moment donné, ils se mettent aussi en scène dans ces clips-là, en train de faire de la bande dessinée. Exemple, il y a un moment donné où ils perdent complètement l'intérêt à faire ce truc-là parce qu'ils trouvent justement que ça va trop vite et que c'est peut-être un peu insignifiant. Alors, et il y a quelqu'un qui va arriver pour essayer de les sauver dans leur création. Puis là, c'est une héroïne de manga qui va venir les voir, qui vient directement du Japon. C'est extrêmement drôle. Puis je trouve que ces bonhommes-là ont vraiment beaucoup d'imagination et on sent qu'il y a beaucoup de plaisir à faire BD et para-BD. Alors, ça s'appelle Last Man, donc la BD et la para-BD. Déjà 2 tomes de disponibles. Oui, c'est chez KSTR, là, le petit côté... Underground de Casterman. Et Stéphane Gravel, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Et à bientôt. OK. Salut bien. Bye. Alors voilà, c'était Stéphane Gravel. Nous, on prend une courte pause à venir. Jeff et Michel Giguère. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille. Le dessin, c'est l'impro BD. À la Ligue québécoise d'impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 14 octobre, 20h au Cercle, bleu contre orange, entrée libre. Les soirées de la Ligue québécoise d'impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. Lorsque l'été est terminé, qu'il emmène avec lui la lime framboise, tous les palmiers, tous les bananiers... Ça signifie que l'automne est arrivé. Et avec lui, la bonne cuivrée au thé. Yeah! Arrête ça! Suivante! Eh oui, c'est la Barberie. Ouais, disponible dès cet automne. Le Ciné-Club Spirafilm au Cégep Limoilou est de retour. Pour sa première soirée, voyez le long-métrage Manners of Dying, mettant en vedette Roy Dupuis. Le réalisateur Jeremy Peter Allen sera présent afin de partager son expérience de cinéaste. La séance sera précédée du court-métrage Tombé dans l'œil de Hugo Bellassen. Rendez-vous à la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou le 28 octobre à 19h. Le Ciné-Club Spirafilm est présenté en collaboration avec le service d'animation socio-culturelle du Cégep Limoilou, le MCCCF, Télé-Québec, monlimoilou.com, le Bal du Lézard, chez Fratelli et CKRL. Spirafilm.com. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat à la Fournée Bio et Pure Passion Chocolatée au 1296 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. Tout juste avant 100% dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soul Finger. Ça groove à CKRL 89.1. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 ici au 89.1 CKRL. Je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez écouter d'autres émissions de La Vie en BD en rediffusion, en balado-diffusion, ben c'est possible de le faire lavieenbd.wordpress.com. C'est possible également de visiter mon blog personnel où je parle BD, revoir.ca/Raymond-Poirier. Et sinon, puisqu'on est dans les petites mentions côté activité, n'oubliez pas, si vous aimez l'impro BD, ben lundi 14 octobre prochain à 20h au Cercle, c'est un nouveau match, deuxième match d'ailleurs de la saison 2013-2014 de la Ligue québécoise d'impro BD. Alors voilà qui est dit, et maintenant on porte notre attention sur un album. On est un peu en mode rattrapage puisqu'il est arrivé à la fin de l'été. Il s'agit du 7e tome de la série Le Crépuscule des Dieux, ça s'intitule Le Grand Hiver, scénarisé par Nicolas Jarry, dessiné par Jeff, et Jeff est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour Raymond. Alors, Jeff, tome 7 qui signale le début d'un nouveau cycle. Dans une série qui roule depuis déjà un bon bout de temps, comme Le Crépuscule des Dieux, qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'on se donne un peu, côté création, l'opportunité de réaliser des nouvelles explorations, que ce soit au point de vue narratif, graphique, stylistique? Ben oui, beaucoup, parce que moi, j'ai pu, justement, dans ce nouveau cycle-là, avoir à développer des nouveaux personnages, toute une série de nouveaux protagonistes, finalement, et puis des nouveaux environnements. Donc, ça a été créativement très stimulant. Donc, de repartir quand même sur les mêmes bases que le Crépuscule, les 6 premiers tomes ont quand même encore son importance là par rapport à ce deuxième cycle-là. Sauf que après le Ragnarok, naturellement, il y a beaucoup de personnages principaux qui ont disparu. Mm-hmm. Donc, moi, ça a été un plaisir là, de faire de nouvelles recherches. Et aussi, il y a un contexte historique qui est un peu différent dans ce deuxième cycle. Oui, en fait, premier élément, d'emblée, dans les premiers tomes, dans les 6 premiers, vous suiviez un peu la saga de l'anneau de Nibelheim. Oui, ça se termine au 6e tome, et donc on part un peu vers l'inconnu, parce que là, vous êtes dans l'extrapolation. Oui, en partie, mais en même temps, Nicolas s'est beaucoup inspiré, finalement, d'un poème, qui est un poème nordique, qui parle de l'après-Ragnarok, et entre autres, des personnages Lisp et Lifthrazir, qui sont un petit peu dans ce sens ces poèmes mystiques là un peu les Adam et Ève là de la mythologie chrétienne. C'est que ça aurait été comme les deux humains qui auraient survécu au Ragnarok et puis qui auraient repeuplé finalement le monde. Mais bon, on s'entend que oui, on tord un peu cette idée là, mais on reprend quand même l'idée du grand hiver qui est aussi fait partie aussi du poème, donc qui va s'abattre sur le monde, et de Lisp et de Lifthrazir qui sont là en quelque part pour sauver cette nouvelle humanité. Et ce qui est important quand on fait une série comme Le Crépuscule, j'ai l'impression, peut-être un peu moins sur les derniers albums justement parce que le cycle était bien établi, mais quand on repart sur les nouvelles bases, on repart un peu comme au début, faut bien l'expliquer tout ça, on est dans des termes, on est dans un langage, on est dans une mythologie, et faut justement bien peser les choses pour établir ces nouveaux mythes-là, ces nouvelles réalités-là, établir le nouvel environnement, mais que ça semble pas non plus encyclopédique, là. Oui, puis puis en même temps, ben, c'est en continuité, mais on voulait pas non plus que les gens qui ont pas lu finalement le tome 1 à 6 aillent à se taper les 6 premiers tomes pour bien embarquer dans l'histoire, même si on n'a pas nécessairement lu les 6 premiers tomes, on peut à partir du tome 7 rentrer dans le cycle puis comprendre à peu près assez bien finalement où est-ce qu'on s'en va. Et profiter de ton dessin, de ton travail visuel, on parlait de recherche, ben, j'imagine, au niveau des personnages, mais également au niveau des lieux, parce qu'on oscille aussi entre l'histoire, entre l'historique et le fantastique, il y a des Constantinople, il y a Elfheim. Est-ce qu'on travaille différemment, d'ailleurs, quand on s'attarde à des lieux réels et des lieux inventés? Oui, parce que, bon, c'est sûr, c'est pas une bande dessinée historique, on s'entend, là. Ça reste du fantastique, ça reste un peu du mythologique. Mais je veux dire, moi, j'ai quand même fait ma part de recherche. Il a fallu quand même que je me documente. Il a fallu que je rende ça le plus crédible possible, finalement. Donc, ça a été recherche de costumes, recherche de décors, recherche à travers des films, des documents, des livres, puis beaucoup Internet, naturellement. Mais donc, ça fait partie de mon travail, à quelque part, moi, en tant que dessinateur, d'avoir une bonne documentation puis de faire une bonne recherche graphique avant de commencer cette nouvelle série. Et quand on tombe sur des villes, ben des villes inventées ou des mondes inventés, est-ce qu'on se fait des cartes, des repères, des référents pour avoir une perspective là? C'est vrai que là non, j'y vais plus au ressenti. Puis c'est vrai que des fois ça me joue des tours parce que d'une case à l'autre ou d'une séquence à l'autre, il faut que je reprenne ces mêmes environnements là. Puis je me suis pas fait de cartes, je me suis pas fait de plan de base, donc je bricole un peu au fur et à mesure. Des fois ça marche, des fois ça marche moins bien, mais dans l'ensemble, je pense que ça passe assez bien. C'est sûr que ça fait partie de mon plaisir, moi, quand même, là, d'inventer beaucoup au fur et à mesure, de me laisser une porte ouverte au niveau des environnements, je pourrais dire, qui sont pas historiques, là, au niveau des environnements fantastiques, d'avoir toujours un petit côté, je dirais, un peu improvisation là, sur l'histoire. Quand j'arrive dans ces scènes-là, où est-ce que j'ai à illustrer le monde des elfes ou ce qui reste finalement du monde des dieux. Et d'album en album, quand on saute d'une série à l'autre, j'ai l'impression que tu as un certain plaisir aussi. Je pense qu'on en a déjà parlé un peu autour du tome 2 de White Crows, entre autres, et qu'on en reparlera peut-être en route vers Broadway aussi. Il y a des éléments qui sont particuliers à un univers que tu reprendras pas au niveau du trait, au niveau du style de dessin dans d'autres univers nécessairement, pour que chaque série ait quand même sa propre identité, qu'on sente que c'est du GF, mais qu'on sente aussi que c'est cette série-là d'abord. Ben moi c'est ça, en fait moi j'essaie toujours de mettre le dessin au service du récit. Puis je sais très bien que je peux pas traiter comme de la même manière un récit comme White Crows, qui était très léger, très aventure, avec de l'humour, et Le Crépuscule des Dieux, ou encore Broadway, sur lequel je travaille en ce moment. Ce qui fait que je vais toujours un peu faire une recherche, puis essayer d'adapter une sensibilité différente à chaque projet. Là. Donc, ce que je considère finalement ce qui serait le plus approprié graphiquement pour le projet sur lequel je travaille. Et avec Le Crépuscule des Dieux, tu développes aussi une belle expertise en environnement enneigé. Ben oui, pas ton choix. Et donc là, ça déboule quand même assez rapidement, d'ailleurs, JF, avec Le Crépuscule. Je pense que déjà le prochain tome est prévu pour début de l'année prochaine. Exact, le tome 8, il est terminé, il est en cours de coloration. Et puis, il devrait sortir en janvier à Angoulême, donc en France, ce qui veut dire qu'au Québec, on devrait le recevoir autour du mois de février. Et justement, je voulais te demander, au niveau relation, au niveau travail, comment ça se passe avec le coloriste? Dans le fond, tu soumets les dessins, est-ce qu'il y a beaucoup d'indications, d'échanges? Est-ce qu'il y a un bon apport? Avec Olivier, c'est Olivier Eban qui est à la couleur pour Crépuscule. Olivier, il s'est intégré à notre équipe à partir du tome 3. Donc moi, j'avais eu quand même, je peux pas dire la chance, mais en tout cas au moins, j'avais déjà mis en place les bases de couleurs pour le tome 1, tome 2. Et puis finalement, Olivier, c'est un peu bon, à partir du tome 3, c'est un peu appuyé sur ce que j'avais fait pour la continuité. Après ça, il a trouvé son approche, ses palettes de couleurs, il a trouvé son style. Mais je veux dire, de toute manière, il a tellement d'expérience, Olivier, puis il est tellement bon en coloration, que j'ai pas grand chose à lui dire. Ou à lui faire modifier. Si j'y fais modifier quelque chose, c'est pas parce que c'est pas bon, c'est parce que ça suit pas nécessairement l'idée qu'on avait dans celle dans la scène. Si par exemple il va me dessiner une scène où est-ce que c'est une nuit trop sombre, là, non, faut que ça soit plus au crépuscule. Bon, il y a des genres de petites choses là qui peuvent être réajustées, mais généralement je pourrais dire au niveau de la couleur, j'y laisse pratiquement carte blanche, puis lui il applique que finalement c'est sa palette puis ses ambiances là tout le long du récit, puis c'est, j'ai rien à dire. Et j'ai presque envie de dire, Jeff, on va s'en garder un peu parce qu'on va avoir beaucoup d'occasions de se reparler au fil de tes séries, au fil de ton travail. Ouais. Donc, on rappelle 2014 pour le prochain, mais donc le 7e tome, donc ce nouveau cycle qui est disponible depuis août en librairie, Crépuscule des dieux, tome 7, donc le grand hiver. Jeff, ouais. Merci. Ben, c'est moi qui t'en remercie. Et au plaisir. Bye-bye. Alors, et nous, on repart en musique avec Cat Attack. Toujours à l'écoute de La Vie en BD, on a maintenant le plaisir de retrouver, comme à chaque mois, notre collaborateur Michel Giguère. Bonjour. Salut Raymond. Et Michel, ce mois-ci, eh bien, événement spécial évidemment dans le monde de la littérature, c'est le Festival Québec en toutes lettres. Et comme à chaque année, puisqu'on profite de ces interventions et de tes passages ici à l'émission pour porter un regard et mettre la table en route vers le prochain rendez-vous de la BD, eh bien, comme Québec en toutes lettres, on parle des femmes, eh bien, cette fois-ci, on va parler des femmes en BD. C'est un peu une habitude d'ailleurs que tu as dans ta programmation d'intégrer la thématique du festival à une des rencontres. Et de profiter de la tenue d'un événement et de toute l'organisation à l'occasion pour les autres éditions. On en profitait pour faire venir un auteur d'outre-Atlantique. On en a bien profité. La première édition, on avait fait venir Marc-Antoine Mathieu parce que son œuvre avait été largement inspirée par Borges, qui était l'objet du festival cette année-là. L'année dernière, si tu te souviens bien, on avait reçu nul autre que Jean-Claude Mézières, un grand maître de la science-fiction époque en BD, au cinéma aussi en fait. Et c'était dans le cadre de l'édition autour d'Asimov et la science-fiction. Donc là, cette année, c'est Gabriel Leroy et l'imaginaire des femmes. Comme Madame Roy a peu à voir avec la BD, ben, c'est sûr que je me concentre plus sur le sous-titre, c'est-à-dire l'imaginaire des femmes. Oui, et d'ailleurs, en fait, le titre de la présentation, si on y va dans le précis, c'est « Gloire aux femmes, les héroïnes, les créatrices, les lectrices ». Et si on parcourt un peu les archives des rendez-vous de la BD, on remarque que c'est un thème auquel tu t'es déjà intéressé en des temps jadis. T'as fait des fouilles archéologiques, Raymond. Oui, en fait, notre première année, en décembre 2005, j'avais abordé ce thème-là. Mais là, écoute, ça c'était l'époque où je me plantais devant l'assistance avec des couvertures d'albums. Puis je montrais des couvertures d'albums au monde pendant presque 2 heures. Et va savoir pourquoi, il avait l'air de trouver ça bien intéressant, ça me dépasse un peu. Mais en fait, la formule depuis a tellement changé, ne serait-ce que parce que je fais numériser des planches qu'on projette sur grand écran. Évidemment, on voit ce dont on parle et ça change tout. Maintenant, j'incorpore des illustrations et des photos des gens dont on parle. Et là, comme il va être question non seulement des héroïnes, des personnages, mais aussi des lectrices et des créatrices, il va y avoir des photos de ces trois catégories-là, finalement. Et quand on observe ce domaine-là, cette thématique-là, si on peut dire, il faut dire aussi que depuis 2005, ça a bien changé, ça a bien évolué. Ben, ne serait-ce que parce que je vais parler de plusieurs BDistes féminines, évidemment, qui avaient pas encore vraiment émergé en 2005. Il y a toute une génération des femmes qui ont différents âges, là, qui ont dans la quarantaine, dans la trentaine, mais qui vraiment, il y a vraiment un boom depuis quelques années, là. Mm-hmm. Et de façon plus globale, plus fondamentale que ça, écoute, il y a vraiment un phénomène intéressant. Bon, regarde, tu vois, je me suis fait poser la question, je me suis fait inviter à une émission de télé le printemps dernier pour parler l'état des lieux de la bande dessinée, tu sais, les dernières tendances, tout ça. Et j'avais conclu en disant que la tendance lourde, au-delà de tout le reste qui évolue, là, c'est la présence grandissante des femmes dans le monde de la bande dessinée. C'est vraiment notoire. Moi, je m'en rends compte sur les chaises des ateliers que je donne, des sessions d'ateliers. Je donne des cours à des gens qui ont de 10 à 110 ans. Et écoute, au fil des années, là, c'est passé d'un pourcentage, je te dirais, de 20% à 50% et parfois plus de présence féminine dans les salles de cours de BD. Et là, je te parle non seulement des fillettes, des filles, des enfants, mais aussi les adolescentes et les femmes mûres. Oui, en fait, d'une certaine façon, ça nous renvoie aussi, j'ai l'impression, à ton thème, dans la mesure où on a plus de lectrices, donc on a peut-être plus d'auteurs, et au bout du compte, on a peut-être plus d'héroïnes aussi. C'est tout ça est tellement intimement lié, là. Oui, moi, les flounes qui ont 12 ans dans mes cours, va savoir, il y en a peut-être un pourcentage qui vont persévérer, qui vont devenir professionnels, qui vont publier, qui vont être lus, qui vont avoir leur blog ou, bon, leurs albums en papier. Et ils vont donc rejoindre, ils vont parler de ce qui les intéresse avec tout le bagage qui leur est propre, avec leurs préoccupations. Et puis, aussi, en explorant et je te dirais, en développant des thématiques qui sont déjà exploitées, mais qui vont l'être de plus en plus. Et là, conséquemment, ça va intéresser de plus en plus de lectrices, puis là, ça devient un vrai phénomène qui fait boule de neige. On vient de lancer un peu un engrenage, mais Michel Giguère, justement, si on essaie de réfléchir à la raison peut-être de cet engrenage-là, qu'est-ce qui a favorisé l'avenue des filles en BD? Parce que dans l'esprit des gens, et ça ressort encore, j'ai l'impression, de table ronde en table ronde, on se questionne beaucoup sur mais qu'est-ce que c'est d'être une femme en BD? On est comme pas encore peut-être habitué à les voir alors qu'elles sont de plus en plus là. Mm-hmm. Et c'est un peu parce que à un moment donné, elle n'y était pas ou presque pas. Donc, qu'est-ce qui a favorisé cette émergence-là? Ben, effectivement, il y a une époque pas si lointaine où on se posait sérieusement la question comment attirer les lectrices? Et ce faisant, du même coup aussi, comment on pourrait attirer des créatrices, des conteuses, des dessinatrices? Et pourtant, il y avait eu des tentatives de les rejoindre, certaines fructueuses. C'est juste qu'on n'a pas beaucoup de mémoire, puis on oublie. Mais tout au long du développement de la bande dessinée américaine dans les journaux, donc on parle ici évidemment de feuilletons, de strips, de feuilletons qui étaient quotidiens et ou hebdomadaires, à cette grande époque-là, dans les journaux américains, il y avait des séries qui s'adressaient aux femmes. Et même moi, personnellement, je me souviens que tout au long des années 70, dans Le Soleil, il y avait, entre autres, un feuilleton quotidien. C'était un docteur, là, puis c'était toutes les intrigues, là, qu'on connaît ça, les histoires d'hôpital, là, mais autour de ce médecin-là. Donc, c'était, bon, généralement des trucs sentimentaux, ces histoires-là. Mais quand même, il y avait le souci de rejoindre le public de femmes. Et puis, du côté européen, il y a eu des tentatives aussi. Bon, de Bécassine à la semaine de Suzette, on voulait rejoindre les petites filles. Mais il y a aussi, je pense à Paul Gillon, qui a réalisé plusieurs œuvres marquantes après, mais qui avait fait une série qui s'appelait 13 rue de l'Espoir, qui est presque pas connue ici, et pour cause, parce que ça paraissait dans France Soir, qui est une publication périodique là-bas importante, mais quand même de 1959 jusqu'à 72. Et c'était vraiment des trucs qui s'adressaient à un public de lectrices. Ou encore Jean Graton, le père de Michel Vaillant, qui, avec sa femme au scénario, avait créé la série Les Labourdais, qui paraissait dans l'hebdo chez nous, de 1966 à 70, et tout ça est paru après coup en album. Donc, oui, on a vraiment essayé. Ensuite, bon, plus connu, là, il y a eu Yoko Tsuno, chez Dupuis, il y avait aussi Sophie, il y a la série Bidouille et Violette, qui avait vraiment une sensibilité. D'abord, c'était du romantisme à l'état pur, là. Ça, c'était de Isler. Et puis, c'était vraiment, vraiment, on même c'est daté graphiquement et on voit qu'esthétiquement, ça va chercher un autre public que les petits gars qui veulent soit de l'humour ou des aventures avec de l'action. Il y a eu, aux États-Unis, la série Archie qui a été, c'est le cas de le dire, archi populaire. Évidemment, Mafalda, bon, quelques séries destinées davantage aux jeunes lectrices comme ça. Mais à un moment donné, c'est comme si la BD occidentale avait baissé les bras. Et puis c'était comme toujours trop peu. Et puis à un moment donné, il y a eu une espèce de passage à vide où là, vraiment, il n'y avait pas grand-chose. Et je pense qu'il a fallu deux phénomènes concomitants, vraiment, qui ont agi en même temps depuis le début des années 90, pour inverser la tendance, c'est-à-dire la déferlante manga et le développement du genre intimiste, disons. Et je me rappelle d'ailleurs, autour du manga, on avait abordé la question autour des expositions qui avaient été présentées justement dans les bibliothèques, et on avait découvert que, on avait appris que le genre là-bas était quand même assez divisé en termes de clientèle cible. Il y avait beaucoup d'auteurs, donc de femmes qui écrivaient pour des filles. Il y avait donc des genres assez précis de ce côté-là. Donc on avait déjà pensé à ce public-là, on travaillait déjà beaucoup pour aller le développer, aller l'enrichir, aller lui offrir du matériel. Écoute, les stratégies de mise en marché éditoriale au Japon sont assez agressives, c'est super élaboré, et comme tu le dis si bien, c'est vraiment séparé par tranche d'âge, donc on crée des séries propres à rejoindre des femmes sur le marché du travail entre 20 et 30, des femmes plus mûres avec des préoccupations de femmes mûres de 40 ans et plus, bon, etc., etc. Là, tout est décortiqué comme ça, là. Alors, c'est sûr que ça s'est développé énormément, la BD pour femmes et pour filles au Japon. Donc, ça, à partir du moment où les mangas sont traduits en français, en anglais, tout ça, eh bien, on s'en ressent, puis les filles se mettent à s'intéresser à toutes ces histoires-là. Et moi, je le vois même dans mes salles de cours, encore une fois, je vois l'influence du manga non seulement dans le style de dessin, mais aussi dans les thématiques. Fait que je peux te dire que les petites filles qui me racontent des histoires, qu'ils sont à l'école, puis qu'ils essaient d'attirer l'attention d'un petit gars, là, ça, j'en ai, là, à toutes les sessions, là, un char puis une barge. Mais sinon, ma seule réserve par rapport à ça, c'est, mon Dieu, si les lecteurs de manga pouvaient être un petit peu moins exclusif, parce que les passionnés ne lisent souvent, trop souvent, que des mangas. Et je leur souhaite tellement de s'ouvrir à autre chose, puis de lire tout ce qui se fait, peu importe le pays d'où ça vient. Et Michel, ça c'est pour le manga. T'as mentionné un autre vague, si on peut dire, celle du genre intimiste. Peux-tu nous en dire un peu quel regard on porte là-dessus et en quoi ça a favorisé justement la présence et l'émergence de lectrices et d'auteurs? Ouais, ben c'est ça. Comment tout ça s'est enclenché, s'est développé? Encore une fois, je pense que c'est des concours de circonstances, des facteurs concomitants, là. Bon, d'abord, l'émergence, toujours durant les années 90, vraiment, c'est un tournant, de petites structures éditoriales indépendantes en France, ici au Québec aussi, qui ont mis l'autofiction de l'avant. Et là, on rejoint beaucoup plus de filles, tant comme créatrices que comme lectrices. Ensuite, l'effet d'entraînement dû à la présence accrue des bédistes féminines. Comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où il y en a de plus en plus, là, ça fait boule de neige, et tout ça est arrivé à peu près en même temps. Et il y a aussi, faut pas l'oublier, le développement des supports informatiques, comme les blogs, qui, là aussi, ont comme tendance, ça se prête tellement bien au format du type journal intime, tu sais, de parler de soi, tout ça. Donc ça les touche beaucoup, et il y a plein de créatrices qui se sont illustrées à travers ces blogs-là. Et Michel Giguère, enfin, en route vers le rendez-vous de la BD du mercredi prochain, donc mercredi 16 octobre. On a beaucoup parlé des lectrices ce vendredi. Évidemment, lors de la rencontre, on va ouvrir aussi vers d'autres préoccupations, notamment les héroïnes, évidemment. Ben, comme, surtout, je vais projeter des trucs sur écran, fait que c'est bien sûr que il va y avoir des tonnes, des centaines de personnages et de BDistes. Et écoute, dans le texte du communiqué qu'on distribue un petit peu partout, qui se retrouve aussi sur le site internet tant du festival que de la bibliothèque, ça dit de BD Boop à Nana, en passant par Sviane et Brotéché, de toutes les époques, de toutes les nationalités, plurielles et étonnantes, elles ont doucement conquis leur place dans le 9e art. Écoute, j'en nomme 4, là. C'était déjà cruel comme choix. Il y a deux BDistes, il y a une Américaine, une Japonaise, une Québécoise, puis une Française. Quand tu y penses, là, ça fait du monde à la messe, là, tu sais, ça fait beaucoup de choses à parler, fait que j'avais pas le choix, je peux pas parler de tous, de toutes, mais je voulais quand même essayer au moins d'en nommer le plus possible tant que faire se peut. Sauf que dresser une liste d'épicerie devant le monde, c'est un peu plate, hein? Mm-hmm. Fait que j'ai comme pensé à un concept, une idée d'une manière de justement d'en nommer plein assez rapidement et que ce soit en même temps super dynamique, voire même peut-être touchant. Fait que là, je suis sans filet, je me mets en danger, je vais le faire de façon amateur, mais je pense bien que ça va être assez sympa et que les gens vont apprécier. Alors, j'ai envie qu'on en dise pas plus sur cet aspect-là, que tu gardes le suspense pour les gens qui, justement, vont se rendre, vont se déplacer à la salle Gérard Martin de la bibliothèque Gabriel Roy. Mm-hmm. Donc, c'est le mercredi 16 octobre. Donc, mercredi prochain, c'est à 19h. En plus, c'est une activité gratuite. Donc, on leur dit à chaque mois, mais on n'a pas vraiment d'excuses. Et pas besoin de réserver. Voilà. Mm-hmm. On se présente, tout simplement. Et nous, Michel Giguère, on se revoit dans un mois où on parlera de vin. Et je vous attends mercredi en attendant. En attendant, mercredi, effectivement. Michel Giguère, merci beaucoup. Ciao, Raymond. Et nous, c'est ainsi qu'on se dirige vers la fin de l'émission de cette semaine. La semaine prochaine, Marzena Sawa, Sylvain Savoya, François Lapierre, Denis Rodier seront avec nous. Alors, c'est un rendez-vous. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir de vous accompagner au fil de cette édition de La Vie en BD.